Alors tout d'abord, on commence par une petite étape gastronomique avec une spécialité régionale, la moule. Qui veut des moules cuisinées à la provençale le soir? C'est cool avec du persil et de l'ail. Qui veut des moules cuisinées à la provençale le soir? C'est cool avec du persil et de l'ail. Pour manger de ce mollusque, j'arracherai même mes brusques. On ne peut que craquer pour la moule sur son rocher. Qui veut des moules achetées au rayon frais? Même si la terre s'écroule pour les moules, je suis toujours prêt. Qui veut des moules achetées au rayon frais? Même si la terre s'écroule pour les moules, je suis toujours prêt. Pour manger de ce mollusque, j'arracherai même mes frusques. On ne peut que craquer pour la moule sur son rocher. Qui veut des moules? Pour le bide c'est radical, à laine refoulée, je te parle pas des mains sales. Qui veut des moules? Pour le bide c'est radical, à laine refoulée, je te parle pas des mains sales. Pour manger de ce mollusque, j'arracherai même des frusques. On ne peut que craquer pour la moule sur son rocher. Allez tous ensemble. Qui veut des moules? Qui veut des moules? Qui veut des moules? Qui veut des moules? Merci, merci. Je la présente, du calme, du calme. Alors on enchaîne tout de suite par une chanson qui s'appelle Claustro. Voilà, tu peux y aller maintenant.